Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Mutalawm yasan al-yawmiddin amma ba'd. طيب امس كملنا بعض السماعيات. اخذنا ماذا؟ الحساب. Le fait que les serviteurs rendent des comptes, que les mu'min prennent leur kitab biyaminihim et les kuffar min shimalihim wa an wara dhuhurihim. اخذنا كذلك ماذا؟ الصراط هو الجس الذي يكون فوق جهنم. نعم الحوض. يعني ديسك الحوض سافون الجسر. Certains disent comme ça. نعم الحوض. Après on a vu un خلاف. Est-ce que tous les NBA ils ont un حوض ou pas؟ وهذا بحسب تصحيح الحديث. Ça dépend. Ceux qui voient que le hadith est authentique, ils le voient. Et ceux qui voient qu'il est daïf et qu'ils ne prennent pas, ils voient qu'il n'y a pas de dalil là-dessus. Arrasna le mizan, kadalik. Mizan, haqiqi, la wakifatan, walisan. Wa kadalik, le jannah wa nar, ils sont déjà créés, ils sont présents. Et al-maut, que la mort soit égorgée, qu'il n'y aura plus de mort. Al-jannah fil jannah khalidina fiha wa ahlun nar min al-kuffar hum kadhalik sayakhuduna fiha. Ils sortiront pas et leur azab ne sera pas minimisé. Wa li'azab billah. Alain wasil fi fusul fi masail aqidiyya mutafarriqa, différents points de la aqidah. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا هو البوان الواتينيام بوان ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام نبي وخطيبهم صاحب شفاعتهم donc محمد صلى الله عليه وسلم c'est le message d'Allah le dernier des messagers des prophète. Il sera le maître des envoyés. Et il est le maître des envoyés. Et que l'hymen du croyant ne sera pas valide tant qu'il ne croira pas en son message. Et qu'il n'attestera pas de sa prophétie. Qu'il ne sera pas jugé entre les gens. Si ce n'est par sa shafa'a. C'est-à-dire que les gens sont dans l'attente de leur hisab et cela n'aura pas lieu avant qu'ils ne fassent la shafa'a al-uzma et que personne ne rentrera au Jannah si ce n'est après la rentrée de sa communauté à lui et celui qui porte l'étendard du hamd de la louange et du maqam mahmoud et celui qui a le haoud le bassin et il est l'imam des prophètes et leur sermonneur et celui qui détient la shafa'a biiznillah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa afdal al-khalq inda Allah wa afdal al-rusul, la meilleure des créatures pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure des messagers. Et justement après Cheikh c'était le tartib des meilleurs en disant afdal al-khalq inda Allah al-rusul thumma an-nabiyyun ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون que les meilleures créatures auprès d'Allah sont d'abord les messagers ensuite les prophètes ensuite les véridiques ensuite les martyrs comme قال عز وجل ومن يطع الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا comme dans ce verset cité l'ordre Et les meilleurs des messagers sont Ulul Azm. Ulul Azm qui sont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur. Thumma Ibrahim alayhi salam. Thumma Moussa alayhi salam, qui était le meilleur, le plus grand nabi des Bani Israël, et celui sur lequel qui est venu avec la Torah, qui est la base de leur charia. Et ensuite, le shia cite qu'il y a entre Isa et Nour, que certains, il a des mazayas. Il n'a pas un rajah, lequel des deux est le meilleur. Et il n'y a pas de mal à préférer un nabi à un autre. Quand je dis cela, dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala en a élevé certains plus que d'autres. Quand on dit préfère, c'est pas nos goûts à nous. C'est que dans la législation, des anbiya sont meilleurs que d'autres. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. طيب نعم donc après le shir ou l'auteur plutôt cite des khasa'is des particularités de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dans le matn qu'on vient de lire awalan qu'il est le sceau des prophètes comme qu'Allah azza wa jal مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ que Mohamed est le père d'aucun d'entre vous cependant le dernier des prophètes le messager d'Allah le sceau des prophètes et qu'il est le Seyyid des Mursalin Bel Seyyid Bani Adam qu'il est le maître des envoyés et le maître des fils d'Adam comme a dit le hadith أَنَّ سَيِّدِ النَّاسِ وَنَا سَيِّدْ بَنِي آدَمْ وَلَا فَخَرْ je suis le maître des fils d'Adam pas d'entardise par rapport à cela c'est une chose que Allah a décrété que on ne peut avoir un iman complet, on va dire valide si ce n'est en croyant en lui en son message comme a dit Allah Azza wa Jal فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ que non par ton Seigneur ils ne croiront pas tant qu'ils ne te feront pas juger lors de leur litige et que les autres anbiya ont été envoyés à leur peuple khassa alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé il n'est jamais un nas et qu'il n'y aura point de qadha entre les gens tant qu'il n'aura pas eu la shafa'a walen dans le délit de la shafa'a qu'on a pris auparavant que sa communauté seront les premiers à rentrer au Jannah comme on l'a dit parmi les points de distinction on a pris les adillah dans le dirs de hier قال كذلك صاحب اللواء الحمد يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ويكون الحامدون تحته qui portera l'étendard du hamd et que يوم القيامه que tous les hamidun seront en dessous de lui comme cela vient dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radi Allahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ana sayyid walad adam yawm al-qiyamah wa la fakhr comme le hadith que nous avons parlé là c'est le vrai love ويبدي اللواء الحمد ولا فخر وبيدي فن وبيدي وبيدي بل وبيدي لواء الحمد ولا فخر il dit je suis le maître des fils d'Adam يوم القيامة et pas de fakhr et dans mes mains seront l'étendard et l'étendard de la louange et pas de fakhr fakhr c'est le fait de se vanter ou quoi après il dit وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلى تحت لوائه et qu'il n'y a pas de prophète طيب que ce soit Adam ou autre sans qu'il ne soit sous mon étendard la haute Tirmidhi et il aura le maqam mahmoud يوم القيامة كما جاء في الآيات عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا que ton Seigneur te ressuscitera au maqam Mahmoud. Et ça, le maqam Mahmoud, il a différents ta'wilat, et parmi elles, toutes ces particularités qu'il aura, et parmi elles, la shafa'a al-uzma. Celui qui a le houd, comme on l'expliquait hier, l'imam des nabiyyin, comme a dit le hadith rawi Tirmidhi, « Iza kana yawm al-qiyama » كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر يديك يوم القيامه je serai l'imam des nabiyin et leur khatib et celui qui aura la shafa'a et pas de fakhr Et sa communauté est la meilleure des communautés. Et la plus grande également. Comme a dit Allah Azza wa Jal, kuntum khayrun ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les gens. C'est-à-dire vous, les gens de l'islam. Et quant au verset de Bani Israël, parce qu'Allah dit, inni faddaltukum ala alamin, je vous ai préféré sur le monde entier, hadha kana fi zamanihim. C'était avant. Maintenant, ils sont maudits. Ils sont maudits. L'Oriana l'Azia Kafarum Bani Israël, Al-Lisani Daoud ou Isa ibn Maryam. Ils sont maudits ceux de Bani Israël qui ont mécru. D'accord ? Ceux qui ont mécru, on précise, pas tous, parce qu'à l'époque, c'était des musulmans. Sur la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam. Soumakal. Ummatu khayr al-umam. وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن ذو نورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. Donc cette communauté est la meilleure des communautés. Et que ses compagnons sont les meilleurs des compagnons que les Anbiya ont reçu auparavant. C'est-à-dire que les compagnons du Nabi صلى الله عليه وسلم sont meilleurs que les Hawaliyin, مثلا de Isa, ou les Ashab des autres Anbiya avant eux. Et le meilleur de cette communauté, c'est Abu Bakr al-Siddiq. Ensuite, Omar. Ensuite, Othman. Ensuite, Ali. Othman, il a été appelé Zou Anourain, car il était marié à deux filles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Deux de ses filles, c'est un fadl azim. Et ensuite, Ali. Al-Murtada. Radiallahu anhum. Et cela par preuve du hadith apporté par Ibn Omar. Radiallahu anhum, qui l'a dit, nous disions, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, Abu Bakr, thumma Omar, thumma Othman, c'est-à-dire dans la préférence. Et cela parvenait au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne disait rien, il ne blâmait pas. Donc, à ذلك, une réunion qui est sahiha, et que l'Albani l'a da'af, lui par contre, que Ali l'a dit, le meilleur de cette communauté, après son prophète, c'est Abu Bakr, ensuite Omar. Et si je voulais, je nommerais le troisième. Et selon Abu Darda, radiallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, que le soleil ne s'est ni levé ni couché, après les prophètes et les envoyés, c'est une meilleure créature, une meilleure personne que Abu Bakr Siddiq. Et ce hadith-là, avant nous fait kalam kadhalik. Donc là, on voit la préférence de ce sahaba par rapport aux autres. Alors que le sahaba, kulluhum al-khayr, les meilleurs gens. D'accord ? Mais après, il y a un tartib parmi eux. Awalan sahabi manhu, al-sahabi wa man ijtama'a bin nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata al-iman. Celui qui a rencontré le nabi sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et il est mort sur cette croyance. Même s'il aurait vu un instant de loin, il a le fadl des sohbas. Après les sahaba, il y a tafawatun. Certains ont plus rencontré, ont fait plus de choses que d'autres, bien évidemment. Mais celui qui ça peut être qu'il ait vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui, et après il est mort sur cet email, même si entre temps on dit qu'il y a une ridda, comme ce fut le cas de Qais ibn al-Ash'as, qui a apostasi après qu'il est revenu, il meurt sur la sohba. C'est un sahabi. Et les meilleurs des Sahaba sont les Muhajiroun. Ceux qui ont fait la Hijra de Mecca jusqu'à Médina. Après eux, c'est les Ansar, ceux qu'ils ont accueillis. Car les Muhajiroun, ils ont les deux fadl, celui de la Hijra et celui du Nasr, du secours, comme les Ansar. Après, il y a Ashab Badr. Ceux qui étaient à Badr. Tamam. Après, il y a Ashab Ridwan et Shajara, ceux qui ont fait le pacte d'allégeance sous l'arbre. Et après, Muslim al-Fatah, ceux qui sont convertis après Fatah. Ada wa Tartib. Et les Khurafa al-Arba'a al-Rashidun, les quatre califes, font partie des Muhajirin. Et ils ont été également touchés par les autres Fadail. Donc le meilleur d'entre eux, c'est Abu Bakr Siddiq, comme on l'a dit. Et d'ailleurs, c'est lui le premier à avoir fait la salat à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, parce qu'il était malade à la fin de sa vie. Et lorsqu'il n'était pas là, il disait aux gens d'aller voir Abu Bakr Siddiq. Et il a bien dit qu'il n'a pas de Khalil. D'accord? Si je devais prendre un Khalil, j'aurais pris Abu Bakr Siddiq comme Khalil. Mais il ne l'a pas fait. Et Abu Bakr Siddiq également, il a été dit que c'est le premier parmi les hommes à avoir cru en lui. Il était appelé Siddiq, car quoi que dise le Nabi Sarsam, il le croyait. Les gens démentaient, lui, il croyait. Et sa fille Aïcha, son mec, elle s'est dit quoi. Après, il y a un khilaf par rapport à Abu Rakab ibn Nawfal, l'oncle de Khadija, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti le voir pour lui raconter sa rencontre avec Jibril. Il a bien dit si jamais ce jour-là, c'est-à-dire le jour où ils vont se sortir d'ici, arriverait que je suis vivant, je te porterai secours. Et lorsqu'il a parlé de Jibril, Abu Bakr ibn Nawfal, il l'a reconnu. Il a dit « Hadal namus alladhi nazzala Allahu ala Musa ». Il l'a averti que ton peuple va te faire du mal. Après, personne, j'ai entendu personne dire que c'était le premier des mu'minines. Peut-être qu'il n'a pas fait le lafz, la shahada. Et peut-être c'est comme le Allahu alam, comme l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le soutient sans pour autant avoir accepté la religion. Ça, j'ai pas de torsé là-dessus. Mais le zahir, c'est qu'il a cru en lui. Ce qui a apparu, c'est qu'il a cru en lui. Donc là, c'est un ishkel que j'ai, moi. Et j'ai pas encore eu la réponse. Je sais que d'autres fois, on se pose la question. Ils disent, pourquoi on dit pas que c'est voilà comme une enfant le premier croyant? Peut-être qu'ils veulent dire le premier qui a fait la shahada ou quoi? Non, c'est même pas si c'est un musulman qui a fait. Ça n'a pas été précisé. En tout cas, c'était un enfant. Il connaissait le livre. Non. Donc le Omar Abu Bakr radhiyallahu anhu, كذلك il est mort au même âge que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et tenté auprès de lui. Il a fait la hijra avec lui. D'accord, elle était avec lui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quasiment tous les jours allait chez lui et il a été marié à sa fille, Aïcha radhiyallahu anha. Et Omar Abu Hafs al-Farouq, lui, il s'est converti 6 ans après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après à peu près une quarantaine d'hommes et 11 femmes, comme le cite le Shir. Et que les muslimoun étaient très heureux de sa conversion. D'accord ? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua que Allah sauve cet islam par la conversion soit de Omar ou soit de Abu Lahab ou Abu Jahl, j'ai oublié. L'un des deux. Et c'est Omar Radiallahu qui a été destiné à devenir un sahabi. Car avant, il détestait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant sa conversion. Et après, Allah avait rentré ça dans son cœur. Il est venu le meilleur homme sur terre après Abu Bakr al-Siddiq et après l'Anbiya. Il était un pilier de cette Ummah, Ma'alouf, pour sa force de caractère, son équité et sa grande foi. Après il y a Othman, comme on l'a dit, Zunurayn, qui lui a été un homme riche et très généreux, qui a mis son argent au service de l'islam. Après il était calife, après Omar, et Omar était calife après Abu Bakr. On a oublié de préciser que Omar était rendu calife par décret d'Abu Bakr Siddiq. D'accord ? Car Abu Bakr Siddiq, il est mort de maladie. Omar, lui, il était assassiné dans la salat, poignardé par Abu Lou El-Majous. Ensuite, les Ashab de Shura se sont réunis de la Constitution. Ils ont décrété que Othman était celui qui prendrait la relève. Après, il y a eu Ittifaq des musulmans. Et il fut également tué par la suite. Quand même, il fut tué par la suite. Il y a eu un grand complot contre lui. Et il fut tué par les Khawarij. Et sa mort fut une grande porte au mal. Ouverte. La mort de Othman a ouvert une grande porte au mal. Et par la suite, après qu'il ait été tué, ce fut Ali qui fut décrété calife. Et Ali, lui, a été marié également à une des filles du Nabi, qui est Fatima, qui est Sayyidat Nisa al-Jannah. Fatima, qui est la maîtresse des femmes du Jannah. Et Ali, c'était le premier enfant à avoir cloué le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Première des femmes, Khadija. Premier des hommes, c'est Abou Bakr al-Siddiq. Et premier enfant, c'est Ali. Et premier esclave, c'est Bilal. Bilal. Donc ces quatre-là sont les meilleurs des Sahaba. Après, il y a eu un khilaf entre Othman et Ali, fut un temps qui était le meilleur des deux. Et c'était le os de Tashayyu, ce qu'on appelle le chiisme aujourd'hui. Le os, c'était ça à la base, juste le fait de préférer Ali à la Othman. C'est tout. Quand on dit, mais c'est l'un chez les salaf, Fulan, Anna ou Tashayyu, ça veut dire qu'en fait, c'était quelqu'un qui préférait Ali sur Othman. Et c'est pas comme c'est devenu maintenant. Tout ce que les Rafida, ils ont fait, c'est que tout le Shia, ce qu'ils font comme Bida ou quoi. C'était pas ce stade-là à l'époque. D'accord ? Et celui qui a lancé justement le Rafd, c'est Abdullah ibn Saba, le Munafiq. C'est lui. Thumma qal, wa huwa haqqu خلق الله ب وأحق الخلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر الصديق لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعته ومبيعته ولم يكن الله ليجمعهم على الضلالة ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع عصره عليه وهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد غضوا عليها بالنواجذ وقال الخلافة بعد 30 سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. Donc là, il cita, comme vient de dire, que celui qui était le plus en droit d'avoir le khalif, le califa, après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'être gouverneur, c'était Abu Bakr al-Siddiq. Pour son mérite, et le fait qu'il était toujours en avant, et qu'il a toujours été au service du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avancer pour la salat, lors de sa maladie, avant de mourir. Surtout les sahaba. Et que les sahaba étaient unanimes. D'accord ? Lorsqu'ils ont fait porter l'allégeance. Ils étaient unanimes. Ils ont tous accepté tout de suite. Et que Allah n'unit pas les Sahaba sur un zalal. Après lui, ça a été Omar, Kazalik, comme on l'expliquait. Ensuite, Othman, par les gens de la Shura. Ensuite, Ali. Donc, ceux-là sont les Khulafa Rashidun. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, accrochez-vous à ma sunnah, ainsi qu'à celle de Khulafa Rashidi al-Mahdiyin, après moi. En fait, ce hadith est à comprendre que c'est sur quoi ils ont été unanimes les quatre. D'accord ? Et non pas que chacun ait une sunna à suivre. C'est dans sa parole que le Khilafa sera de 30 ans après lui, après ce sont des moulouks, des rois qui viendront. L'auteur dit que le dernier khalifa comme on dit en arabe, c'est Ali, radhiyallahu anhu. Par rapport à ça, Cheikh Famine cita c'est comme si le mu'allif en fait avait rentré le khalifa de Al-Hassan dans celui de Ali par rapport aux dates citées par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et après, Al-Hassan s'est destitué pour éviter une grande fitna et a laissé la place à Mu'awiyah. Mais Mu'awiyah, lui, c'était un roi. D'accord ? C'était un roi. Donc le khilafa d'Abu Bakr al-Siddiq a duré 2 ans et 3 mois. C'est-à-dire de l'an 11 de l'Hijra, quand même, jusqu'à 13e année. Celui de Omar, radiallahu anhu, a été de 10 ans et 6 mois. Qui était de la 13e année jusqu'à la 23e. Thumma Othman, radiallahu anhu, qui était de 12 ans. D'accord ? 12 ans. Qui était de la 24e année jusqu'à la 35e. Mais 34e année, 24e année, on va dire un peu en avance. Ce qui cite les jours aussi également. Là, je cite juste les années. Celui de Ali, radiallahu anhu, a été de 4 ans et de 9 mois. Un peu moins de 1 an. Il y a presque 5 ans, quoi. D'accord ? De l'an 35 jusqu'à l'an 40. En tout, ces 4-là, comme le cite le Shir, ça a fait combien ? Ça a fait 29 ans et 6 mois. Et ensuite, El-Hassan a complété pour arriver à la 30e année. C'est pour cela que l'auteur a dit que le dernier c'est Ali, sûrement qu'il a compté El-Hassan comme étant dans le khilafa de Ali. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, khilafa ba'di salathun. Thumma yutilla al-mulk mulk wa yutilla mulkahu man yasha. Car là il donnera le royaume à qui il veut. Ça a été El-Hassan. Et lui, il a eu 6 mois. Après, il y a eu le khilaf qui s'est passé avec Mu'awiyah. Après, il y a eu, comme tu sais, la fitna entre les sahabas qui a eu lieu. Et personne n'a voulu faire du mal. Il y a eu une ijtihad qui s'est fait. Wa akaza. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et tout cela, c'est à cause des munafiqoun, des khawarij. Et même une part des rawafid. Et donc justement, comme dans le hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rawi Bukhari, « Inna ibni hadha sayyid, wa la'ala Allah an yusliha bihi bayna fiyatin azimatin min muslimin. » Que mon fils le voici, une preuve que ton petit-fils, tu peux l'appeler ton fils, et que Allah va concilier par sa cause entre deux grands groupes de muslimin. Du fait qu'ils soient désistés, pour éviter une fitna entre les muslimin. D'accord ? Non. Et finalement, il a également été tué. Lui ainsi que son frère, Al-Hussein. Ceux en qui et en leur père exagèrent les Rafidah. Ils leur ont donné un statut plus que le leur, plus haut que le leur. Après, il y a eu deux extrêmes par rapport aux Sahaba. T'as les Rafid qui ont exagéré dans Al-Bayt. T'as les Nawasib qui, eux, c'est le contraire, ils ont dénigré. Les gens du juste milieu, c'est les gens de la Sunna. Qui leur donne un amour légiféré. Un amour légiféré. Redonallah alayhim jami'an. Et le fait de les insulter, ou de leur rendre mécréant, ou de les faire attendre de leur dîme, c'est du kufr. C'est de la mécréance. Le fait d'accuser Aïcha, radhiyallahu anha, de zina, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala justement l'en ait innocenté dans son livre, ça aussi c'est du kufr. Comme le font les Rafidah. عليم لعنة الله هذا الذي أخذنا اليوم يعني الخرفاء وترتيب الصحابة Et comme on dit, on répète, quoi qu'on dise, les sahaba, même certains ont commis certaines erreurs par ijtihad. C'était une hikmah pour nous-mêmes avoir en tirer une leçon dans des choses. Ils restent les meilleurs des hommes. Itlaqan. D'accord ? Ils sont meilleurs. La meilleure des générations. Ensuite, ceux d'après eux, les tabi'in. Ensuite, ceux d'après eux, atba' al-tabi'in. Les sahaba sont ceux qui ont connu la révélation que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les gens de la langue arabe purement, donc ceux qui comprennent le mieux la religion. Donc nous, qu'est-ce qui nous revient à nous? De comprendre la religion comme eux l'ont comprise. De suivre leurs traces. D'accord? De suivre leurs traces. Comme un collègue Azawajel. وَمَنْ يُشَكَكِ رَسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعِ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِمَ تَوَلَّى نُصْلِي جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Que celui qui fait scission avec le messager après que la guidée soit venue et qu'il se sépare de la voie des croyants, c'est-à-dire là, c'est quoi? Ce sont les sahaba. Nous les garderons et nous l'emmènerons à l'enfer. Donc tu es obligé de suivre la voie des sahaba. Et ne pas dire ils ont leurs avis, sont des hommes comme les autres, et nous nos avis, et kaza et kaza. Ça y a pas. Le sahaba, tu reviens à leur ferme. Maintenant le sahabi en lui-même n'est pas marsoum, il y a eu un khilaf, est-ce que son coul c'est le hujja ou pas. Donc on l'a dit que c'est le hujja à condition qu'il ne s'oppose pas à un texte et qu'il n'y ait pas eu d'inkar d'autres sahaba. À ce moment-là, il voit que c'est une hujja son coul. Et ça, c'est un rod des gens qui disent qu'il y a eu du taqlid de l'époque des sahaba, que des fois ils faisaient des fatwa ou quoi, et les gens prenaient leur parole. On dit, bah, si c'est à la cour que leur cour c'est un hujja, ma fi shay fi hada. Et le sahaba, généralement, quand ils faisaient une fatwa ou ils étaient un kalem, ils étaient le hadith. Ils étaient le hadith. Et combien même sont des gens qui ont vu le wahi. Ils ont vu le wahi. Non. Fa ila huna wa alhamdulillahi rabbil alamin.